Est-ce que la civilisation humaine pourra se répandre dans toute la Voie lactée? Est-ce qu'on arrivera à quitter notre petite planète bleue et coloniser d'autres systèmes solaires jusqu'à occuper tous les coins de notre vaste galaxie? Aujourd'hui, la question paraît ridicule tant la tâche semble impossible. Il y a environ 400 milliards d'étoiles dans la galaxie, ce qui nous donne une taille d'environ 100 000 années-lumière. Jusqu'à présent, nous n'avons envoyé qu'un seul objet en dehors de notre système solaire. Et il voyage à 0,006% de la vitesse de la lumière. À ce rythme, il nous faudrait 2,5 milliards d'années pour aller d'un bout à l'autre de la galaxie. Autant dire tout de suite, il nous faut un autre moyen de voyager. Mais la question qui se pose ensuite est celle de la survie humaine dans l'espace. La distance entre les étoiles est juste immense. Et qui nous dit que nous pourrions survivre sur une planète extraterrestre? Une colonisation prendrait des ressources tellement élevées que la tâche semble être inatteignable. Pourtant, il y a des décennies, des scientifiques ont proposé une solution stipulant qu'il est théoriquement possible de répandre la civilisation humaine dans toute la galaxie, et ce, plutôt rapidement, sans briser aucune loi physique. Leur idée est basée sur les travaux d'un mathématicien nommé John von Neumann. Sur le papier, il a élaboré un type de machine capable de se répliquer et créer de nouvelles générations d'elles-mêmes. Elles seront connues plus tard sous le nom de machines de von Neumann. Dans le contexte de l'exploration spatiale, des machines de von Neumann pourraient être conçues sur Terre et lancées dans l'espace. Une fois établies sur une exoplanète extraterrestre, elles auraient pour fonction de miner les ressources afin de récupérer de l'énergie suffisante pour générer des copies d'elles-mêmes. Ces copies seraient ensuite lancées sur d'autres planètes, perpétuant ainsi le cycle. Le résultat est la création de millions de sondes qui se répandraient dans la galaxie comme une goutte d'encre de Chine dans un bocal à poisson. Des étudiants ont cogité sur ce sujet et ont découvert qu'une seule de ces machines de von Neumann, voyageant à 5% de la vitesse de la lumière, devrait être capable de se répliquer à travers toute la galaxie en à peine 4 millions d'années. Ça peut paraître long, mais si l'on considère que notre univers est âgé de 14 milliards d'années, sur cette échelle cosmique, c'est incroyablement rapide. L'équivalent de 2h30 sur une année entière. Alors oui, créer ces machines de von Neumann nécessiterait des technologies que nous n'avons encore pas vraiment, incluant intelligence artificielle avancée, nanotechnologie de pointe et propulsion spatiale plus efficace. Et si en plus nous voulions envoyer des êtres humains, il nous faudrait un autre saut technologique. La capacité de faire croître artificiellement des organes biologiques et d'utiliser l'ingénierie génétique. Mais allons non pas dans le futur de notre espèce, mais dans le passé d'une autre. Si dans un passé lointain, une civilisation extraterrestre a créé et envoyé des machines autorépliquantes basées sur les théories de von Neumann, notre galaxie devrait grouiller de ces machines. Pourtant, cela ne semble pas vraiment être le cas. Certains astronomes, comme Carl Sagan, ont stipulé qu'une civilisation extraterrestre avancée ne fabriquerait pas ce type de technologie, sachant les risques qu'elle implique. En effet, des machines autorépliquantes pourraient très bien dévorer des planètes entières afin de continuer à se dupliquer. D'autres astronomes utilisent cette absence comme une preuve qu'il n'existe aucune civilisation intelligente dans notre galaxie, ou alors qu'elles se sont éteintes avant d'atteindre ce niveau technologique. Mais cela n'a pas empêché certaines personnes d'imaginer que ces machines sont peut-être quelque part dans l'espace. L'auteur de science-fiction David Breen a écrit dans Lungfish que plusieurs civilisations extraterrestres ont lancé des machines de von Neumann qui prolifèrent simultanément. Certaines sont destinées à aider des civilisations émergentes, d'autres à les localiser et les détruire avant qu'elles ne deviennent des menaces. Il y en a même, dans ce roman, qui regardent attentivement la Terre, en ce moment même. Elles attendent que notre technologie soit suffisamment avancée pour finalement nous exterminer. Autre exemple, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, où le monolithe noir peut être vu comme une machine de von Neumann répandant l'intelligence. Pour l'instant, tout ce que nous avons, c'est de la curiosité, des théories et de l'imagination. Donc la prochaine fois que vous regarderez le ciel lors d'une belle nuit d'été, considérez la possibilité que des milliards de machines autoréplicantes se dirigent à des vitesses folles de planète en planète. L'une d'entre elles arrivera éventuellement sur Terre, à moins que ce ne soit déjà arrivé. Article, histoire courte de science-fiction, podcast. Si vous en voulez plus, je vous invite à visiter le blog The Flares. Et pour ceux qui souhaitent donner leurs hypothèses sur le futur, rejoignez le collectif. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. Je m'appelle Gaëtan du collectif The Flares. Nous sommes vos fusées éclairantes. Nous sommes The Flares. Merci et à bientôt.